Élève nos esprits en sa présence. Car tant que nous restons dans notre routine, il n'y aura pas grand chose. La routine va nous bloquer. Elle finira par nous décourager et même nous désorienter. Chacun doit quitter de la routine chaque jour, vouloir quelque chose de neuf avec Dieu et de la part de Dieu, quelque chose de réel, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inhabituel, car nous notre Dieu est plein de réserves. Il possède plein de bonnes choses. Et la parole a dit qu'il donne ces bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent. Il a plein de bonnes choses, notre Dieu. Mais il faut les lui demander. Non pas par routine. Non pas de façon désintéressée. Éparpillé. Mais il faut être objectif. Savoir ce qu'on demande. Et s'en tenir à ça jusqu'à recevoir. Jusqu'à palper le résultat. Il est Dieu qui a dit par Jérémie. Au chapitre 33 ici. C'est dans l'Ancien Testament, Jérémie 33, verset 3. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien dans les pays, ma cousine est là, mon oncle. Ma communauté, Oyo, ma caméra, ne peut Oyo, ibombami Oyo, oyébité. Donc, nous sommes invités à l'invoquer. Invoquer Dieu, c'est l'appeler sur la scène. Avec toute urgence, avec insistance. L'invocation. Pour appeler Dieu sur votre scène. Libre de vous. Là où vous vous tenez, en plein vos problèmes, devant vos combats, même dans vos rêves, devant les défis, devant les difficultés, devant les maladies, devant les tentations, quand tu te sens attiré, tu vas dire invoque-moi, invoque-moi. Hier même c'était dit, dans la prédication c'était cité de la promesse infaillible de Dieu. Quand tu invoques son nom, il y a le salut pour l'héritage, la promesse de son salut, la délivrance, la protection, son secours, sa guérison, sa lumière qui doit briller sur tes ténèbres, ta victoire qui doit écraser ta défaite. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Quel que soit le besoin, continue dans ton invocation. Dieu t'engage. Dieu te le rappelle. Dieu te le promet. Il te répondra. Quelle que soit la durée du temps, quelle que soit le nombre d'opposants, et même les oppositions, les adversités, les ennemis innombrables, évoque-moi, et je te répondrai. Et au-delà de cela, au-delà de ce que tu me demandais, là, devant mes yeux, je t'annoncerai. Je te révélerai des grandes choses. Des choses cachées. Je te révélerai cela. Des choses cachées que tu ne connais pas. Hier, nous avions lu dans Jean Apocalypse au chapitre 4. Encore quelque chose de merveilleux ici. C'est une bonne manne. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ouais, il est demeuré dans la présence de Dieu. Invoquant et priant Dieu. Dans ses désorientés. Dans le précipitamment chemin. Toutes les choses du monde étaient devenues signifiantes pour lui. L'Empire romain l'avait jeté là-bas. Comme un exilé. Où la mort. Mais Dieu était vivant pour lui. Il n'avait plus de famille là-bas. Pas d'amis, pas de proches. Rejeté par l'Empire qui le voulait mourir. Qui le voulait mourir. Mais il est resté devant Dieu. C'était notre frère Jean. Il était resté devant Dieu. Se consacrant à Dieu. S'attendant à Dieu. Quand tous l'ont abandonné. Quand sa famille lui a manqué. Quand ses frères étaient éloignés. Mais Dieu était si proche. Dieu pouvait se manifester. Ouais. Il connaît notre présent et notre futur. Il est l'ami, il est le compagnon fidèle. Il peut même entendre les détails. Même quand plus personne ne peut nous rassurer. Lui, Dieu nous rassurera. Quand plus personne ne peut nous fréquenter. Notre Dieu nous fréquentera. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est entre toi, le croyant et lui. Il fera tout ce qu'il a dit. C'est vrai. Et là, il voit maintenant une porte ouverte. Non pas n'importe laquelle, mais dans le ciel. Pas une porte qui retourne au village. Mais une porte qui indique le ciel de Dieu. D'où deviennent les merveilles de Dieu. Et comme avait dit le psalmiste David. Dans le psaume 118, le verset 17. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Même quand l'Empire, tout un empire, la voie est mort. Pas aussi pour moi. Il est resté vivant. Pour témoigner les merveilles de Dieu. Le voilà en train de voir encore de ça. C'est la part de Dieu du ciel. Une chose inhabituelle. Ça s'est produit dans sa foi. Dans son expérience. Le ciel a été ouvert au-dessus de lui. Oh. Mon Dieu plus près de toi. Dans le désert. Dans le désert. Au chevet, j'ai vu ton ciel. Le ciel ouvert. Plus près de toi. Voilà l'expérience qu'avait Jean. Dans la limite, Dieu est dans la limite. Toi aussi à ton tour, sois courageux. Bravé. Même si la preuve est courageuse. Attends, mon mécano, vous allez en face. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Oh, te pèlerin. Pèlerin. Pente. Courage tant. Tu te fieras les épreuves. Tu te fieras la pluie et les épreuves. Tu te fieras la tempête. La conspiration des démons. Tu te fieras toute montagne. Tu te fieras les sorcières. Tu te fieras même la mort. On opérera bon courage. Mon Dieu veut que tu vives encore. Oh, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Oui, le ciel peut s'ouvrir. Même dans ton désert. Où tu es tout seul comme Jean. Sans famille, ni frère, ni ami. Sans église, ni prédicateur. Mais il a vu le ciel ouvert. Pèlerin, bon courage. Voilà, il a des bonnes choses pour tes enfants. Il peut t'annoncer. Dans la votre prière est garantie. Demande et tu recevras. Ainsi c'est tu obtiendras. Il est Dieu le créateur. C'est lui le libérateur. Il ouvrira le chemin. Même là où tout est bloqué. Il sait quoi faire. Y a les minis pour ça là. Alors, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nasi mana matambo oyo na mona te kuke esili kozipa na likolo pe mongongo oyo na yoki liboso kosolola na ngai lokola mongongo na kelelo elobi ete buta awa pe nakolakisa yo makambo makoki na yango kobima na nsima na oyo et au verset 2 aussitôt je suis saisi par l'esprit. Aussitôt noki noki na jali kati na molimo la parole a précédé l'onction. Je ne fais pas comme ça. Et la parole te parvient d'abord. Et de là qu'elle déclenche en toi l'onction de Dieu. Qu'elle fasse parvenir à ton âme l'esprit de Dieu. L'onction venant de la parole. Jean a vécu cela. Il entend la parole. Et puis l'onction s'est saisie. Donc si tu entends la parole, et l'onction te parvient. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, où les 24 anciens, le programme commence comme ceci. C'est le 1er janvier 1961. Au paragraphe 98. La voix dit, monte ici. Et quand il est ouvert, Jean entendit le son de la trompette. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt, ravi en esprit, il commença à voir des choses. Dieu fait tes fois, faire voir des choses. Même toi aussi. Ne dis pas que je ne suis pas le prophète de Dieu. Le prophète avait dit oui, ça peut être vrai que tu n'es pas le prophète. Mais tu peux être l'un de ces sûrements que Dieu utilise. Ne te minimise pas, ne t'égare pas. Dieu peut t'utiliser. Il peut te faire voir des choses. Tant que tu es son prophète. C'est juste parce que tu l'invoques. Et tu marches plus près de lui. Il le fera. Et vous commencerez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. Toi aussi. Toi aussi, hein. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu crois que tu veux commencer à voir des choses? Le problème est que tu n'entres pas assez en esprit. C'est le problème de l'église. C'est le problème de ton frère. Tu pries juste superficiellement. Mais tu n'entres pas profondément là. Tu pries par routine. Mais tu ne crées pas plus profond. Tu ne veux pas monter plus haut. Tu veux rester dans les coutumes et les habitudes. Oui, toi, c'est lui, toi. Alors, vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut d'abord. Entrer d'abord dans l'esprit. Et ensuite, les choses commencent à s'ouvrir. Dieu commencera à faire voir les choses. Si chacun pouvait aspirer à ce genre d'expérience. Alors, Dieu fera davantage avec nous. Oh, qu'il en soit ainsi, mes chers amis. Vous verrez des choses. Vous verrez des choses encore. Dieu peut vous montrer ceci et cela et pas autre chose. Même des choses cachées. Que tu ne connais pas. Ne t'écarte pas. Il peut révéler cela. Les choses vous seront révélées. Quand vous entrez dans l'esprit. Et c'est vraiment vrai. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je me rappelle que nous puissions chanter ce cantique, mon Dieu plus près de toi, mais à l'ingala. Kulinga tu yemba zambi nangai pene na yo kati. Pene na yo donc. Pene na yo kolo. Na yo zambi. Pene na yo zambi. Amen. Nous avons une soeur qui a combattu. La fille aînée à notre frère Edouard Mukulmani. Notre soeur Gracia Mukulmani. Tamasha. Il y a un médecin. Là-bas au Royaume-Uni. Annoncé qu'elle devait mourir au mois de décembre. C'est clairement un complot satanique. Un projet d'occultisme. Nous, en tant qu'église du Dieu vivant, nous nous appuyons sur la parole pour nous opposer à Satan. Pour résister au diable. Car le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Alors, par la foi qui nous a été donnée, nous allons maintenant même, sans tarder, attaquer cette chose, détruire cette annonce et les effets de cette annonce sur notre sœur, détruire ce complot, détruire cette œuvre planifiée, car le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Le donateur de la vie pour nous. Il est le bon berger pour nos âmes. Il nous gardera tous les jours de notre vie. Il exauce notre prière. Alors, prions chacun maintenant. Avant de prier aussi pour terminer. Nous prions d'abord pour la prière. Quel que soit le lieu, la main de Dieu n'est pas courte pour nous délivrer. Parce qu'elle se trouve à des milliers de kilomètres. Son père a été entré l'année passée. Dans Jérémie chapitre 1 verset 10, après avoir placé ses paroles dans la bouche de Jérémie, en disant voici je mets mes paroles dans ta bouche, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes. Et que tu ruines. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Après avoir détruit ce qui est du diable. Après avoir bâti ce qui est de Dieu. Après avoir ruiné ce qui est satanique. Après avoir édifié ce qui est public. Louange à Jésus-Christ. Que son règne vienne. Que la parole de Dieu domine. Que l'onction de son esprit s'empare de toi. Pour te rendre témoin des merveilles de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Que mille tombent à ta gauche et mille à ta droite. Continue la parole à toi. Il est Dieu des promesses pour toi. Sois fort au front. Dans la vacance, il n'a plus rien à tomber. Le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu du temps de la Bible. Jérémie a fait son temps, nous faisons notre temps maintenant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous devons détruire et réveiller. Ruiner ce qui doit être ruiné. Car la parole de Dieu est dans notre bouche. La parole de Dieu est dans notre cœur. Je veille sur elle pour l'exécuter. Il a dit ici dans Ésaïe 44. Il a dit ici dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Dieu dit ceci au verset 25 à 26. J'anéantis les signes de prophètes et de mensonges. Et je proclame insensé les pépins, qu'il en soit ici. Mm-hmm. Je fais reculer les sages, même les gens qui s'estiment intelligents. Attends, et je tourne leur science en folie. Gaï, na petisi, bilembo na bato na kuta, na komisi, basa koliete baja la bazoba, na zongisi bato na mayele sima. Na bongoli maele na bango ete majala zoba ebele. Dieu peut tourner en folie la science médicale. Zamba roko balola na bozoba bolebi ya minganga. Il peut détruire les annonces d'un docteur américain. Atletico bebisa bo makambo mabanga. La parole dit qu'il tourne en folie les sciences. Atletico na bozoba bolebi na bango penza. Et comme bolema. Et comme liboma. Les cambois à l'UE et moi grâce à Tamasha, la 5 décembre 2022, et comme à l'Iboma, et comme à Bolema, que ce soit une histoire dont on se moquait là. Seule la parole de Dieu sera confirmée. Je dis au verset 26, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Béni soit le nom du Seigneur. Na kotisi liloba na mongo na ngai. Na sali toli na bantoma na ngai. Kajor confirme sa parole. Nambe andimi saliloba weye. Non seulement pour la sœur grâce à ta maja. Mais pour quiconque est de nôtre. Kasiko na moto nani na saliloba ya biso. Un projet caché. Un projet subite. Un projet Louange en Jésus-Christ, amen. Oh oui, louange en Jésus-Christ, amen. Louange en Jésus-Christ, amen. Oh oui, louange en Jésus-Christ, amen. Oh oui, que ce gloire en Jésus-Christ, amen. Oh oui, tout ce gloire, oh, je peux amen. Oh oui, la joie, oh, je peux amen. Oh, je peux être, oh, je peux amen. Oh oui, la joie, oh, je peux amen. La joie parfaite, oh, je veux amen. Oh, et la paix, oh, je veux amen. Oh, la paix du cœur, oh, je veux amen. Oh, et la gloire, oh, je veux amen. Oh, et victoire, oh, je veux amen. Oh, et victoire, oh, Amen. Oh, réveille-toi, les anges crucifiés. Amen. Oh, réveille-toi, les anges crucifiés. Amen. Et sans tes veines, anges crucifiés. Amen. Oh, réveille-toi. Alléluia. Amen. Guérison de Dieu, l'ange secret, amen. Oh, victoire, l'ange secret, amen. Victoire divine, l'ange secret, amen. Oh, et la force, l'ange secret, amen. A force de veine, ange secret, amen. Oh, il ancien, alléluia, amen. Oh, sauve Dieu, ange secret, amen. Oh, il ange, ange secret, amen. Oh, ange de Dieu. Ange secret, amen. Oh, et lumière, ange secret, alléluia. Oh, et lumière, ange secret, amen. Oh, consolation, amen. Consolation, ange secret, amen. Le tissé, ange secret, amen. Oh, tissé, ange secret, amen. Oh, et progrès, progressant, amen. Oh, et progrès, ange secret, amen. Oh, et réussite, ange secret, amen. Oh, et réussite, ange secret, amen. Oh, et miracle, ange secret, amen. Oh, et miracle, ange secret, amen. Oh, et prodige, ange secret, amen. Oh, prodige, ange secret, amen. Oh, et puissance, ange secret, amen. Oh, puissance, ange secret, amen. Oh, oui, exploit, les exploits. Amen. Exploit, ange secret, amen. Oh, les merveilles, ange secret, amen. Oh, les merveilles, ange secret, amen. Oh, et l'honneur, ange secret, amen. Amen. L'honneur, ange secret, amen. Oh, majesté, ange secret, amen. Majesté, ange secret, amen. Oh, il impose, ange secret, amen. Invoque-moi et je te répondrai. Oh, oh, oh, oh, amen. Oh, et réponse, ange secret, amen. Amen. Réponse, ange secret, amen. Prospérité, ange secret, amen. Amen. Prospérité, oh, oh, oh, oh, amen. Oh, oui, l'onction, ange secret, amen. Amen, en fonction, ange secret, amen. Oh, oui, l'amour, ange secret, amen. Amour parfait, ange secret, amen. Oh, agapao. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amour divin. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, liberté. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amen. Liberté. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, la joie. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amen. La joie. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, la vision. Il y a une vision là-bas. Il fera voir les choses. Vision. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, promesse. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, promesse. Oh, Jésus-Christ. Amen. Accomplissement. Oh, Jésus-Christ. Amen. Accomplissement. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh, le bonheur. Le bonheur du cœur. Amen. Bonheur. Oh, Jésus-Christ. Amen. Nous protégeons. Jésus-Christ. Amen. Nous protégeons. Oh, Jésus-Christ. Amen. Expiation. Ma chouma le mouille. Amen. Expiation. Jésus-Christ. Amen. Oh, le pardon. Oh, Jésus-Christ. Amen. Sois pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pardon. Grâce, grâce pour elle. Amen. Pardon. Oh, Jésus-Christ. Amen. Édification. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amen. Édification. Oh, Jésus-Christ. Amen. Oh oui, la vie éternelle même. Amen. La vie en Jésus-Christ. Amen. Oh, l'élévation en Jésus-Christ. Amen. Oh, l'élévation en Jésus-Christ. Amen. Oh oui, toutes les gloires de Jésus-Christ. Amen. Oh, la gloire de Dieu, en Jésus-Christ, amen. Oh, oui, toutes les gloires, en Jésus-Christ, amen. Amen, toutes les gloires, en Jésus-Christ, amen. Oh, oui, Shekinah, en Jésus-Christ, amen. Oh, oui, Shekinah, en Jésus-Christ, amen. Oui, l'amen. L'amen. Amen. Oh, oui, l'amen. En Jésus-Christ. Amen. Oui, le paix. Amen. La paix en Jésus-Christ. Amen. Oui, l'esprit. En Jésus-Christ. Amen. Oh, et louange. Amen. Une louange. Mon Dieu se crée. Amen. Une continuité. Mon Dieu se crée. Amen. Oh, continuité. Mon Dieu se crée. Amen. Oh, persévérance. Mon Jésus-Christ, amen. Amen, persévérance. Ok, amen, amen. Il t'appartient de persévérer. Le Seigneur a dit, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Vous en avez comme il est mis à tirer. Oui, tous les temps. que tout ce qui respire roule à l'éternel. Que tout ce qui vit adore Dieu. Il est l'adorable. Le véritable. Le Dieu suprême. L'invincible. L'immortel. Et notre rédempteur. Nous allons souffrir la vie. Élevons encore nos mains maintenant. Nous remercions pour cette belle soirée. Le moment d'adoration. Le pardon qu'il peut nous donner. Amen. Nous t'adorons et te louons au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous le sanctifions et nous l'adorons. Nous le bénissons à jamais. Car il est notre rempart, notre refuge. Le bouclier le plus sûr. Tu as dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se cache dedans. Et se trouve en sécurité. Maintenant c'est la vérité. Chaque jour c'est la vérité. Partout c'est la vérité. Et c'est la vérité de Dieu. Que nos oreilles ont entendu. Que nos corps reçoivent. Que notre bouche confesse. Oh non, la Seigneur. Confirme la partout. Au nom de Jésus-Christ. Fais du bien à tes enfants. Réponds à chaque prière. Écoute l'église. Même les prières de demain. À la chaîne de prière. Sois avec nous plus près de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Protège tes enfants. Quand nous serons séparés d'ici, que la sécurité du Seigneur fasse parvenir chacun à domicile et à temps. Tu es capable d'abréger le parcours, d'abréger le chemin. Rien n'est impossible à Dieu. Sommes ici pour te croire et pour témoigner de toi, témoigner de merveilles, de bienfaits. Honore notre foi, Seigneur. Confirme tes promesses au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement.